Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la chute des Habsbourg et la fin de l'Empire austro-hongrois. Une voiture qui passe, un homme qui jaillit de la foule, qui tire, et l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie qui s'abat. Un assassinat est toujours un fait divers, mais sûrement pas celui-ci. Parce que de ce coup de feu, c'est un monde qui va mourir. Extrait de l'émission « Alain Decaux raconte en 1975 ». Ce monde qui va mourir, dont parle Alain Decaux dans cet extrait, c'est l'Ancien Monde, un monde constitué de quelques grands empires dirigés par quelques grandes dynasties. Et cet assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 est celui qui va conduire à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et à la chute de la Maison des Habsbourg, l'une des plus vieilles et des plus puissantes dynasties d'Europe. Au cours des siècles, l'Empire austro-hongrois a incontestablement joué un rôle très important dans le développement du continent européen. Cela d'ailleurs est inscrit dans la géographie. La carte nous montre que l'Empire d'Autriche-Hongrie se trouvait au centre même de notre continent. Cet immense empire reposait uniquement sur la dynastie des Habsbourg. Quand le jeune François-Joseph monta sur le trône en 1848, il était encore un des monarques les plus puissants d'Europe. Mais il allait être accablé par le destin. Sa femme, la belle Sissi, assassinée. Son fils unique, Rodolphe, suicidé à Mayerling. Son frère Maximilien, fusillé au Mexique. En 1914, le vieux François-Joseph règne depuis 66 ans sur un empire usé, fatigué comme lui, et qui comprend 10 millions d'Allemands, 12 millions de Hongrois et 25 millions de Slaves. Un empire déchiré entre le pan-germanisme et le pan-slavisme. Habsburg March, played by the Edison Military Band. Extrait de l'émission « Les grandes batailles du passé » diffusée en 1975, un extrait qui se terminait avec la marche des Habsbourg, interprétée par la fanfare Edison en 1901. Et au tout début de l'extrait, c'est Otto de Habsbourg, le dernier prince de la maison des Habsbourg, né sous l'Empire, qui est mort en 2011, que vous entendiez. Pour nous rappeler le contexte qui va conduire à la chute des Habsbourg, je reçois l'historien Raphaël Walland. Il vient de donner une série de 6 conférences sur les Habsbourg. Raphaël Walland, bonjour. Bonjour, Jacques. Cette chute de la maison des Habsbourg, Raphaël, la dissolution également de l'Empire austro-hongrois en 1918, ça s'inscrit bien sûr dans un contexte plus large. Commençons par là. Décrivez-moi un peu ce contexte où d'autres grands empires vont également s'effondrer. En fait, ce contexte-là, c'est la fin de ce que l'historien britannique Eric Hobsbawm a appelé le long 19e siècle, c'est-à-dire une période qui va grosso modo de 1789 à 1914, d'affrontement entre les forces d'un nouveau monde qui pousse, une certaine démocratie, le sécularisme, le nationalisme, l'idée d'un peuple qui doit avoir son État, contre l'ordre. Le parlementarisme naissant. Oui, absolument, bien sûr. Et à tout cela, appuyé aussi sur de nouvelles forces économique, l'industrialisation, le capitalisme. Donc tout cela opposé au monde ancien, le monde à la noblesse, les nobles qui font travailler leurs paysans, le clergé, qu'il soit catholique, protestant ou musulman, qui domine les consciences. Et au-delà de ce monde-là, un roi, un empereur, un sultan qui domine des peuples divers, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue. Ce combat-là, il commence donc avec la Révolution française. Avec cette révolution, le couvercle de la marmite de l'Ancien Régime commence à céder, mais on réussit à le revisser en 1815 en écrasant Napoléon. Et puis tout au long du 19e siècle, la lutte se poursuit. En 1848, il y a une série de grandes révoltes à travers l'Europe. On est obligé de lâcher un peu de l'Est, mais au final, eh bien, ce sera la Première Guerre mondiale, ces privations, ces horreurs, ces massacres qui vont renverser vraiment ce monde d'hier et amener le nouveau monde, les Habsbourg, les Hohenzollern en Prusse, Allemagne, les Romanov en Russie, les Ottomans en Turquie, sont tous des représentants des garants de ce monde d'hier qui s'effondrent tous en même temps, 1918-1922. Et ces Habsbourg qui font partie donc de ce mouvement qui nous conduit vers ce nouveau monde qui sera celui du 20e siècle, ils ont été très importants, très longue dynastie. Ça veut dire quoi, cette dynastie des Habsbourg, quand on regarde ça dans la durée? En fait, les Habsbourg sont probablement la dynastie la plus influente de l'histoire de l'Europe. C'est en 1914 la dynastie, la doyenne des dynasties d'Europe. Elle apparaît en Suisse au XIIe siècle après Jésus-Christ, dans un état général qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Les Habsbourg sont de petits seigneurs locaux de Suisse, mais en 1272, un premier Habsbourg devient vraiment important. Il s'appelle Rodolphe de Habsbourg. Il réussit à se faire élire empereur de ce Saint-Empire romain germanique et il s'empare pour le compte de sa famille de l'Autriche qui désormais, et jusqu'en 1918, sera la base du pouvoir de ces Habsbourg. Les Habsbourg vont cependant vraiment prendre leur envol au XVe siècle en misant à la fois sur une série de mariages bien arrangés et de chance avec la mort sur plusieurs générations de toute une série d'héritiers de têtes couronnées d'Europe qui fait qu'entre 1500 et 1516, un descendant de ce Rodolphe de Habsbourg qui s'appelle Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, entre 1500 et 1516, ce Charles de Habsbourg voit lui tomber sur la tête la moitié de l'Europe. L'Espagne, l'Italie du Sud, l'Italie du Nord, l'Autriche, le titre d'empereur, l'Amérique du Sud, les Pays-Bas, la Belgique... La moitié de l'Europe lui tombe sur la tête. Son frère lui obtient par mariage la République tchèque, des morceaux de la Hongrie, la Croatie, la Slovaquie. Donc, plus de la moitié de l'Europe, au final, qui se retrouve sous la domination de ces Habsbourg. Ça, c'est l'âge d'or, à peu près. Absolument. Ouais. Du 16e au 18e siècle, les Habsbourg dominent l'Europe. Ils dominent en fait le monde entier. On dit que sur leur empire, le soleil ne se couche jamais, puisqu'il va du Pérou jusqu'aux Philippines, cet empire. Et les Habsbourg vont mettre à profit cet énorme empire pour modeler les structures politiques de l'Europe, mais surtout pour mettre en place une politique de mécénat, par exemple. Mozart, Bach, El Greco sont tous des artistes dont la carrière est entièrement dépendante des Habsbourg. Des Habsbourg donc extrêmement puissants. À partir de ce 18e siècle, cependant, la dynastie commence à décliner. D'abord, elle s'éteint en Espagne, c'est la branche aînée. La branche cadette survit en Autriche. Ouais. Elle a encore de beaux moments, Marie-Thérèse au XVIIIe siècle par exemple, mais de plus en plus, elle est attachée donc à ce monde d'hier qui est en perte de vitesse tout au long du XIXe siècle face à ce nouveau monde de capitalistes, de parlementaires, de nationalistes qui poussent. Et au moment où cette première guerre mondiale éclate, c'est François-Joseph donc qui domine cet empire encore important, certes pas de la même importance qu'il a eu dans le passé, mais ça reste un joueur clé, l'Autriche-Hongrie au début de la guerre en 14. À quoi ressemble l'empire de François-Joseph à ce moment-là, 1914, mais disons à partir début 20e siècle? En fait, c'est un empire qui se cherche. C'est un empire donc qui est arc-bouté sur son organisation, sur un empereur qui doit gérer pour les nobles et qui essaie donc de gérer le fait qu'il y a de nouvelles forces et qu'on veut essayer de conserver ses privilèges face à ces nouvelles forces. C'est pourtant un empire donc qui a toutes les apparences d'un empire encore très puissant. D'abord un territoire assez étendu, un bloc territorial centré sur le Danube, l'Italie du Nord, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, des morceaux de toutes sortes d'autres pays aussi. C'est un État qui est encore assez peuplé. Il a 52 millions d'habitants en 1914 contre 67 millions d'Allemands, 166 millions de Russes, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les comparer? Mais seulement 40 millions de Français, par exemple. C'est donc le deuxième État, si on exclut la Russie, le deuxième État le plus peuplé d'Europe. Le problème de cet empire, cependant, c'est que sur ces 52 millions d'habitants, il n'y a pas de majorité. Dans un recensement de 1911, on compte 24% de locuteurs allemands, 20% de locuteurs de hongrois, des magyarophones. On compte à peu près 40% de personnes qui parlent des langues slaves, mais il y en a plusieurs. Il y a des tchèques, il y a des polonais, il y a des yougoslaves. Ces gens-là ne sont pas forcément les mêmes. Donc on a un empire peuplé. relativement riche, mais très éclaté, avec des tensions entre ces différents peuples, et surtout des tensions entre ces peuples qui, de plus en plus, avec les idées nationalistes, veulent s'administrer eux-mêmes, ou au moins avoir beaucoup de pouvoirs régionaux, et des Habsbourg qui hésitent énormément à laisser aller leur pouvoir. Donc le défi, au fond, pour l'empereur, c'est de garder cet empire si diversifié que vous venez de nous décrire, de le garder minimalement uni. Absolument. Et c'est d'ailleurs toute la tâche de François-Joseph. François-Joseph arrive sur le trône en 1848 au cœur d'une période de révolte énorme à travers l'Europe. En 1848, les Hongrois se sont déclarés indépendants. Dans la ville de Vienne, dans la ville de Prague, les banquiers, les industriels réclament d'avoir le droit de vote, d'avoir un parlement. Et François-Joseph arrive comme tout nouveau, tout jeune, il a à peine 18 ans, pour essayer de rétablir la situation et de sauvegarder l'Empire. Alors, qu'est-ce que c'est son plan ? François-Joseph est un conservateur, en vérité comme tous les autres Habsbourg, et dans un premier temps, son plan, c'est de lâcher du lest du côté des industriels, mais serrer la bride du côté des nationalismes, et notamment des Hongrois. Ouais. Un de ses ministres va par exemple dire « Donnez-moi 25 années à obliger les Hongrois à parler l'allemand, et ils oublieront qu'ils sont Hongrois. » Le problème, c'est que ça ne marche pas. L'Empire, à force de juguler ses forces nationalistes internes, perd du terrain à l'extérieur. En 1860, l'Empire perd ses territoires du nord de l'Italie. Il en est chassé par le petit royaume de Piémont-Sardaigne et les forces libérales d'Italie, unification de l'Italie. L'Allemagne, elle aussi, échappe à l'Empire. Là, c'est la Prusse qui boute les Habsbourg et joue le rôle d'unificatrice. L'Empire, donc, est en perte de vitesse et on est obligé de mener des réformes beaucoup plus profondes, des réformes structurelles. En 1867, expulsé d'Italie, expulsé d'Allemagne, François-Joseph prend la décision, à son corps défendant, de effectivement changer complètement la structure interne de l'Empire. On divise l'Empire en deux moitiés, l'Empire d'Autriche, de la Slovénie à la Pologne, le Royaume de Hongrie, Croatie, Hongrie, Slovaquie. Et ces deux États ont le même souverain, mais sont des États qui, au-delà de ça, sont presque indépendants l'un de l'autre. Il y a une armée commune, il y a un ministère des Affaires étrangères commun, mais chacun a son parlement, chacun gère ses affaires. On parle de compromis ou de double monarchie et on essaie de décentraliser l'administration, laisser aux Tchèques, aux Polonais, leur langue dans l'enseignement, ce genre de choses. L'Empire, donc, va relativement bien à partir de là. Il y a des personnes pour se plaindre que les Hongrois ont obtenu cette double monarchie. Pourquoi est-ce que les Tchèques, pourquoi est-ce que les Croates, pourquoi est-ce que les Polonais n'auraient pas une triple, quadruple, quintuple monarchie à leur tour ? François-Joseph ne veut pas aller jusque-là. Il ne veut pas lâcher plus de l'Est. On attend sa mort. En 1914, il a déjà 86 ans. On commence à se dire que, bien, il va mourir et on verra ensuite. Et puis d'autre part, l'Empire est dans une situation économique plutôt enviable. C'est l'État qui est de 1880 à 1914 à la deuxième plus haute croissance économique en Europe, derrière la Russie, mais devant l'Allemagne. Et donc, cette économie qui roule bien, ces petites réformes suffisent à apaiser suffisamment les tensions. Comment avez-vous appris la visite de l'héritier au trône ? Dans le journal. J'ai parlé à Gabrinovitch et à Grabesh de mon idée pour tuer François Ferdinand. Seulement, on ne savait pas comment faire. Alors j'ai demandé à Milan Tsiganovitch s'il pouvait nous aider. Qui ? C'est un héros populaire serbe. J'étais à côté du pont latin, ici. Et je les ai vus revenir. Il y avait tout le cortège. Vous avez sorti votre arme et vous avez tiré. Ils ont tourné et sont venus dans ma direction. Ils sont passés devant moi. Je n'ai tué personne. J'ai simplement éliminé un tyran. Les Austro-Hongrois persécutent les Serbes en Bosnie et en Herzégovine. Extrait du film Sarajevo, produit par Netflix en 2014. Cet assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en juin 1914, on y revient fatalement, Raphaël Wallan. C'est cet assassinat-là qui va conduire l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie, décision qui va entraîner l'Europe dans la Première Guerre mondiale, décision qui va aussi éventuellement mener à la chute de la dynastie des Habsbourg. Qu'est-ce qui pousse donc le vieil empereur François-Joseph à se lancer dans cette guerre contre la Serbie? En fait, pour François-Joseph, cet assassinat Bosna est à la fois un risque et une opportunité. S'il ne fait rien, il prend le risque de paraître faible et peut-être d'encourager, sinon d'autres assassinats, à tout le moins peut-être la dissolution de l'Empire avec ses Slaves du Sud qui rejoindraient la Serbie. Mais c'est aussi une opportunité, puisque les Serbes, en tout cas il peut faire croire que ce sont les Serbes, ont assassiné un personnage royal, il a l'opinion publique derrière lui, en Autriche-Hongrie et en Europe, et il peut donc régler le cas de cette petite Serbie et du nationalisme slave du Sud d'un seul coup. En donnant un exemple, il a son prétexte en tout cas. Bien sûr. Ouais. Il veut donc la guerre avec la Serbie, mais il ne veut pas la guerre avec la Russie. Et c'est très important de le dire. François-Joseph et la cour impériale s'imaginent pouvoir faire la guerre aux Serbes sans que les Russes n'interviennent. Ils ont en souvenir une crise de 1908, quelques années auparavant, dans laquelle déjà l'Empire austro-hongrois avait mis beaucoup de pression dans les Balkans, s'était emparé de la Bosnie. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, avait mis beaucoup de pression sur la Russie et les Russes, effectivement, avaient cédé sans combat. L'objectif de François-Joseph, c'est de refaire le même coup. Ouais. Il ne veut pas de la guerre, mais cette fois-ci, les Russes ne se laisseront pas humilier. Mal conseillé, en fait, je pense aussi, sur ce coup-là, François-Joseph, non? Oui, peut-être prendre ses désirs pour des réalités, ouais. Se dire « j'ai absolument besoin d'un dernier coup d'éclat, alors peu importe ce qui va se passer, eh bien c'est ça, les choses vont aller comme je souhaite ouais. qu'elles aillent, parce que si elles vont différemment, ce serait la catastrophe. » Mais avec le jeu des alliances, évidemment, ce n'est pas cette petite guerre, en guillemets, régionale qu'il aura à gérer, mais la Première Guerre mondiale. Parlons un petit peu du déroulement de cette guerre. D'abord, il meurt. Il aura cette chance, au fond, François-Joseph meurt le 21 novembre 1916. Il ne verra donc pas la dissolution de son empire et la chute de la maison des Habsbourg. Comment ça se déroule, cette guerre? Quel impact, par exemple, a sa mort en 1916 sur le déroulement des choses? L'un des gros problèmes de l'Autriche-Hongrie, c'est que, obsédée par la Serbie, elle ne se méfie pas suffisamment de la Russie dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Et l'Autriche-Hongrie subit donc une défaite catastrophique. Elle avait espéré que l'Allemagne allait tenir le front de l'Est. Les Allemands avaient prévu attaquer à l'Ouest et laisser les Austro-Hongrois à l'Est, mais les Austro-Hongrois étaient en Serbie. Et donc, au final, l'Autriche-Hongrie perd la moitié de son armée, presque 800 000 hommes, dans les 6 premiers mois de la guerre. À partir de là, l'Autriche-Hongrie est à genoux. Et les Allemands vont sauver l'Autriche-Hongrie de l'invasion russe, mais en échange se mêlent de politique intérieure. Ouais. Ils n'osent pas encore trop le faire tant que François-Joseph, qui est là depuis plus de 80 ans, qui est la tête du monde germanique, tant qu'il est encore vivant. Mais en 1916, lorsqu'il meurt, là, la pression allemande devient beaucoup plus importante sur son petit-neveu, le nouvel empereur, le dernier empereur, Charles. Ouais. Charles espère conclure une paix, si nécessaire, une paix séparée. Il ouvre des négociations secrètes avec les alliés, se déclare même prêt à mettre de la pression sur l'Allemagne pour qu'elle accepte de céder l'Alsace-Lorraine. Mais quand l'Allemagne en entend parler, eh bien le Kaiser et l'armée allemande menacent l'Autriche-Hongrie d'exécution militaire, d'envahir les terres de son allié en se servant notamment des minorités germanophones de l'Empire austro-hongrois. Et Charles est obligé non seulement de reculer dans ses propositions de paix, mais même de s'humilier en allant publiquement au camp du Kaiser en Belgique occupée pour déclarer « Je serai votre allié indéfectible, toujours. Ouais. Désormais, Charles est la marionnette de l'Allemagne. » Et puis, une entente finalement, la fin de cette guerre, de cette grande guerre, mais avec l'imposition par les forces alliées de la chute de l'Empire des Habsbourg. Pourquoi? C'était pas un automatisme, ça, Raphaël Wallon. Pourquoi est-ce si important pour les alliés que cet empire-là s'écroule, que cette maison-là chute, tombe? Donc, l'empire s'écroule. Charles pourrait encore espérer négocier. C'est d'ailleurs ce qu'il souhaite faire après la défaite militaire de l'été, automne 1918. Le problème, c'est qu'il n'est plus considéré comme un interlocuteur valable. Lui déclare « Les Habsbourg sont la seule chance pour l'Europe centrale de ne pas tomber sous le joug ou bien de l'Allemagne ou bien de la Russie, ou pire encore, de laisser entrer le bolchevisme. Vous devez donc permettre aux Habsbourg de continuer à unifier ces différents peuples d'Europe qui, individuellement, seraient incapables de s'en sortir. Ouais. » Le problème, c'est qu'on ne lui fait plus confiance. Il dit « je vais protéger mes peuples contre les Allemands », mais il apparaît lui-même comme la marionnette des Allemands durant cette Première Guerre mondiale. Les Alliés, les Français, les Anglais surtout, les Américains laissent faire en fait. Les Alliés donc décident plutôt de miser sur les indépendantistes, des gens qui avaient relativement peu d'influence jusque-là, mais auxquels qu'ils renvoient dans leurs pays respectifs, en Croatie, ouais. en République tchèque, avec des traités. Si vous déclarez l'indépendance, si vous opérez la dissolution de l'Empire austro-hongrois, eh bien, vous n'aurez pas besoin de subir de punitions liées à cette guerre. Vous serez considéré comme ayant été des victimes de la guerre et non pas des acteurs. Et entre la fin octobre et début novembre, face à un empereur qui a perdu la guerre, qui n'est plus un interlocuteur, eh bien, effectivement, ces peuples se débandent et Charles est obligé d'abdiquer le 11 novembre 1918. Et cet empire-là devient, au fond, quoi, une poignée, ils sont quoi? Ça devient sept pays à la fin de la guerre? Absolument, sept pays à l'époque et aujourd'hui 11, puisque la Yougoslavie, qui faisait partie de ces sept pays, a à son tour éclaté. Sept pays qui, dans un premier temps, sont pleins d'allégresse liées à leur indépendance retrouvée. Il n'y en a qu'un qui est plus ou moins content. C'est la Hongrie qui, jusque-là, régnait encore. C'était la Grande Hongrie. Elle régnait sur des Croates, des Roumains, des Slovaques. Alors, elle est obligée de les laisser aller alors qu'elle avait espéré pouvoir les conserver. Mais rapidement, en fait, on va se rendre compte que la parole de Charles, cette idée donc que sans les Habsbourg, il y a un vacuum en Europe centrale et que ça va être la lutte entre les Allemands ou les Russes, eh bien, cela a été presque prophétique. Tout le long du XXe siècle, les États liés, qui issus de la destruction de l'Empire des Habsbourg, vont effectivement se retrouver dominés, d'abord par l'impérialisme nazi, puis par l'impérialisme soviétique. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, eh bien, ces États d'Europe centrale se retrouvent toujours entre la domination économique allemande et la peur de l'invasion russe. Et les Habsbourg, dans tout ça, vous parliez de Charles. On va écouter l'un de ses descendants, Otto de Habsbourg, qui est le dernier prince à être né sous l'Empire austro-hongrois. Il est mort en 2011. Le voici donc à l'émission de Robert Guiscully, Scully Rencontre, en 1994. Au fond, vous avez vu s'éteindre, et de l'intérieur, l'ancien régime, une fois pour toutes. Il avait commencé de s'éteindre en 1789 en France, mais vous étiez là au moment de sa chute finale. Mais naturellement, mais seulement j'étais trop petit pour le ressentir de la même façon que si j'avais eu, disons, 5 ou 6 ans de plus. N'est-ce pas? On m'a souvent posé la question, mais comment est-ce que j'ai pu dépasser les événements? Eh bien, je dois répondre, c'était relativement facile, parce que justement, j'étais à l'époque très jeune, et par conséquent, ça ne m'affectait pas directement. Et puis, il y avait un deuxième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que mes parents ont tout fait pour nous épargner, et par conséquent, pour nous protéger. Et donc, on a survécu ces moments franchement dramatique, beaucoup plus facilement que c'eût été si les parents ne s'étaient pas occupés de cela aussi. Otto de Habsbourg, dernier prince de la maison des Habsbourg, né sous l'Empire, il est mort en 2011. Que deviennent donc les Habsbourg à la suite de l'écroulement de l'Empire et de la chute de la maison des Habsbourg? Eh bien, les Habsbourg vont être exilés d'abord en Suisse, puis à Madère, où va mourir Charles. Il a été déclaré bienheureux par l'Église catholique en 2004. Sa femme Zita, elle, va survivre jusqu'en 1989 dans une vie d'exil, passée par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la ville de Québec, où notre Otto von Habsbourg va faire une partie de sa jeunesse. Lui-même va revenir en Europe, il sera député européen et va beaucoup œuvrer afin de réintégrer les anciens États des blocs de l'Est, qui étaient évidemment les anciens États des Habsbourg. Raphaël Wallande, historien spécialiste du Moyen-Orient antique, qui a fait une petite incursion du côté des Habsbourg pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.